À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, le vice-président Cha Sang-bon, chef de la délégation de l'Association générale des Coréens en Chine, a accordé le 17 un interview au correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit « Le généralissime Kim Jong-il a vécu une vie auguste de père de la nation qui s'est sacrifié entièrement pour la prospérité de la patrie et le bonheur du peuple. Grâce à son dévouement patriotique, le peuple coréen est devenu le plus digne et les assises solides sont jetées pour l'édification d'une puissance socialiste. L'histoire de son affection pour le peuple continue aujourd'hui invariablement grâce au respecté maréchal Kim Jong-un. »